Chapitre 39e. Une leçon pour Philip Glenn. Frank fut aussi désireux de se rendre à l'invitation que Philip avait été pressé de la faire. Quand ses leçons furent achevées, il mit ses habits du dimanche et alla en courant chez M. Glenn. Philip le reçut dans la petite chambre où son frère et lui préparaient leurs leçons. « Comment se fait-il que vous et mes fils vous écriviez si différemment l'anglais ?» demanda M. Glenn quand il eut fait connaissance avec Frank. Frank ne put s'empêcher de sourire en se rappelant le biais de Philip. « Nous l'étudions à la maison, monsieur, répondit-il. Mais quelqu'un vous donne des leçons, maman. » Elle avait peur que nous finissions par ne plus savoir que le grec et le latin, et elle s'est décidée à nous donner des leçons tous les soirs, sauf le samedi, où elle est trop occupée. Elle vient s'asseoir à notre table dès que nous avons fini notre tâche pour le collège. Nous faisons les parties les plus faciles de notre grec et de notre latin, Gar et moi, pendant les heures de récréation, et mon frère William nous aide le soir dans les passages difficiles. « Quel collège votre frère suit-il ? Il ne va pas au collège, il est chez M. Ashley avec Cyril Dare. William n'a pas été au collège depuis la mort de papa, mais il était très avancé, car papa s'était donné beaucoup de peine avec lui, et depuis ce temps il a continué à travailler. Peut-il travailler tout seul ? S'il peut travailler ? Je ne crois pas que vous puissiez trouver quelqu'un d'aussi avancé que lui pour son âge. Personne au collège n'approche de lui. » Il a eu bien de la peine dans le commencement pour résoudre tout seul les difficultés, mais c'est ce qui l'a fait avancer. M. Glenn secoua la tête. Quand les principes sont bien établis, un écolier appliqué peut avancer 100 mètres, pourvu que... C'est justement ce que dit William, interrompit Frank, les yeux brillants d'animation. Autrefois, il aurait tout fait pour venir avec nous au collège. Maintenant, il n'y pense plus. Pourvu que son cœur soit au travail, allais-je ajouter, dit M. Glenn, en souriant de la vivacité de Frank. « Naturellement, monsieur. Et c'est comme ça qu'il est, William. Il a de si bons livres. Les meilleurs qui étaient publiés. Ils étaient à papa. Nous faisions de l'algèbre et nous étudions Euclide avec lui. Vraiment ? Et quand réussissez-vous à faire tout cela ? Dans la soirée. À 5h30, William, Gar et moi, nous nous mettons à nos leçons. 2 heures plus tard, maman vient nous rejoindre et nous travaillons 2 heures de plus avec elle. » Naturellement, nous ne faisons pas tous les soirs la même chose. Vous devez être bien persévérant. N'avez-vous pas quelquefois envie de vous amuser, de bavarder, de rire ? Non, monsieur, jamais. Nous sommes très appliqués, et puis nous désirons faire des progrès. La moitié de notre existence en dépend. Philip, mon garçon, voilà une leçon pour toi et tous les autres paresseux. Philip haussait les épaules en riant. Papa, je ne vois pas à quoi ça sert de tant travailler. Ton ami Frank le sait. « Nous sommes obligés de travailler, » dit le candide Frank. « Nous n'avons pas de fortune, et ce n'est que par notre éducation que nous pouvons espérer de faire notre chemin. Maman dit que les garçons qui sont riches sont beaucoup plus disposés à compter sur leur argent que sur eux-mêmes. Elle aimerait mieux nous voir lancer dans le monde avec nos talents et notre bonne volonté qu'avec de la fortune. Il n'y a pas une parabole de la Bible qu'elle préfère à celle des 10 talents. « Pas de fortune, » répéta M. Glenn d'un ton rêveur. « Nous n'avons pas un centime, monsieur. Maman doit travailler pour nous faire vivre, » répliqua Frank, faisant cet aveu aussi fièrement que s'il avait proclamé que sa mère était dame d'honneur de la reine et lui-même un de ses pages. Jane avait réussi à les convaincre qu'il n'y a rien de déshonorant dans la pauvreté. « Frank, mon ami, » dit M. Glenn, « vous avez une fortune en votre mère. »« Certainement, monsieur. Quand le billet de Philippe est arrivé et que nous en avons... Harry ?» acheva M. Glenn en riant lui-même. « Oui, seulement je ne voulais pas le dire, mais vous savez comme les collégiens écrivent, monsieur. Maman nous a dit que nous devions être bien heureux, qu'elle eut le temps de nous donner des leçons. « Je voudrais bien que votre maman admît mes fils dans sa classe, » dit M. Glenn, moitié sérieux, moitié riant. « Je lui donnerai ce qu'elle voudrait. Voulez-vous que je le lui demande ?» s'écria Frank. « Peut-être qu'elle en serait blessée. « Oh non, pas du tout, » répondit Frank avec élan. « Je lui demanderai. » « Je n'aimerais pas une mère aussi sévère, » avoua Philippe. « Sévère ? » répéta Frank. « Maman n'est pas du tout sévère. »« Comment pas sévère ? Elle te défend de venir à la pêche avec nous ? » ?»« Non. Elle m'a seulement dit qu'elle ne tenait pas à ce que j'y allasse, et elle m'a laissé libre. » Philippe ouvrit de grands yeux. « Comment ? Mais tu m'as dit ce matin qu'il était décidé que tu ne viendrais pas. Et maintenant tu me dis que Madame Halliburton t'a laissé libre. »« C'est vrai. Maman nous laisse généralement décider. Elle nous montre notre devoir. » Et elle nous laisse à ce qu'elle appelle notre bon sens. « Et vous faites ce qu'elle désire ?» demanda M. Glenn. « Oui, monsieur, toujours. Supposons que tu fasses une fois ta volonté, cria Philippe d'un ton grognon. Qu'est-ce qui arriverait? Je suppose que la fois suivante, maman déciderait, mais il n'y a pas de risque que nous agissions contre son désir. Nous savons bien qu'elle a toujours raison, et nous ne voudrions pas lui faire de la peine pour tout l'or du monde. La dernière fois que le doyen est venu ici, il a défendu qu'on donnât si souvent congé aux choristes. Mais le doyen n'y est plus, interrompit Philippe avec impatience. Le vieux Ripton te donnera la permission, il ne connaît pas l'ordre du doyen. C'est justement la raison, répliqua Frank. Maman m'a dit que si M. Ripton avait connu la défense du doyen, alors j'aurais pu lui demander la permission. Elle veut que nous fassions ce qui est bien, non pas seulement ce qui paraît bien. Et tu vas te priver d'un plaisir par suite de cette ridicule idée, faire ce qui est bien, que tu es bête, Frank. Ce n'est pas sans en souffrir quelquefois, avoua Frank. Ainsi demain, dans la journée, je regretterai peut-être quelquefois de ne pas être avec vous, mais quand le soir viendra, je serai content d'être resté. Maman dit que si nous n'apprenons pas à bien agir pendant que nous sommes jeunes, nous ne le ferons pas quand nous serons grands. M. Glenn posa sa main sur l'épaule de Frank. Inculquez vos idées à mes fils, si vous le pouvez, dit-il avec sérieux. Y a-t-il longtemps que votre mère vous donne des leçons? Oh oui, elle a commencé quand nous étions encore tout petits. Nous ne ferions pas grand-chose si nous devions commencer maintenant. M. Glenn se mit à rêver. Comme M. Ashley l'avait présumé par une conversation avec William, M. Glenn aussi jugeait que Mme Halliburton devait être une femme entre mille. Frank se tourna vers Philippe. « As-tu fait tes tâches ?»« Mes tâches ?»« Non. Et toi ?» Frank se mit à rire. « Oui, sinon je ne serais pas venu. »« Je n'ai pas joué une minute aujourd'hui, j'ai travaillé tout le temps et j'ai tout fini. » « Il me semble que vous vous faites des amis de vos études, » observa M. Glenn. « C'est vrai, monsieur. »« Philippe, » dit M. Glenn à son fils quand Frank fut parti, « je te donne carte blanche pour amener ce garçon ici autant que tu le voudras. Si tu es sage, tu t'en feras un ami intime. »« J'aime bien les Halliburton, moi, » dit Philippe, « mais les autres collégiens ne les aiment pas. Pourquoi donc ?»« Je crois que Darsenior, Cyril Dare, veux-je dire, a tourné les écoliers contre eux. » Il était toujours allé chicaner. C'était, disait-il, des imbéciles de s'appliquer à leurs leçons, ce que les jeunes gens de bonne famille ne font jamais. Des imbéciles parce qu'ils n'avaient pas d'argent à dépenser. Des imbéciles en tout. Et comme la classe de Dare dirigeait l'école, il a mis tout le monde contre eux. Ils ont eu beaucoup à supporter dans le temps, mais ils sont plus grands maintenant, et depuis que Dare Senior a quitté, on commence à les aimer. S'ils sont pauvres, ce n'est pas leur faute, acheva Philippe comme pour les excuser. « Pauvre !» répliqua M. Glenn. « Je puis te certifier, M. Philippe, à toi et à tous tes camarades, qu'ils sont riches de toutes les choses qui vous manquent, ou je me trompe fort, ou les Halliburton deviendront des hommes d'un mérite exceptionnel. »